Ensuite, ceux qui me comprennent, j'en demande une coche de plus pour entrer en interaction avec eux autres. Pour rentrer en interaction avec les gens, je demande de faire quelque chose. Pour eux autres, pas pour moi, là, qu'ils fassent quelque chose pour eux autres. Pour qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc c'est ça. C'est tellement simple. Mais on rend ça compliqué. Pourquoi encore? Expliquez-moi-les. Expliquez-moi-les. Comment vous rendez ça compliqué? Qu'est-ce qui peut être compliqué dans ce que je parle? C'est un prétexte pour rien faire, de se compliquer ça. J'adore la réponse. J'adore la réponse. Mais ce que tu expliquais par rapport à ceux qui sont pas réceptifs à l'action. Ben c'est pas l'action, là, c'est par rapport à la guérison tantôt. Là. Tu disais que c'est toi qui es, c'est celui qui essaie de faire changer l'autre qui est le contre-coup finalement. Si l'autre n'est pas réceptif à changer. Oui. Ben, regarde l'affaire des clés. Là. C'est quand j'avais essayé de faire une sorte d'exercice avec toi. Là. J'ai dit, j'ai perdu mes clés, ça veut dire que j'ai pas gagné. Là. Je retrouve mes clés, c'est parce que j'ai gagné. Mm. Finalement, j'ai retrouvé mes clés dans un sac de pommes, pour le faire. Un sac de pommes. Ouais. Tu disais qu'un médecin, quand il est ou quelqu'un qui est dans les soins infirmiers, il va toujours avoir, s'il veut essayer d'aider la personne qui est malade, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il fasse sa vibration, sinon ça va y aller. Non? Non, c'est pas faisable. Rentre pas dans ce terrain-là. OK. Mais moi, ce que j'ai constaté dans la profession, c'est qu'il y a des gens que ça faisait leur affaire de rester malade. Ah, OK. Il y avait de la tension, mais ça changeait. S'ils guérissaient, ça changeait trop d'affaires autour d'eux autres. Ça, c'est la réalité. Fait que celui-là, j'insistais pas. Comment? Celui-là, j'insistais pas. Non. Mais je te ferais remarquer que tu étais malade aussi. Il y a eu des gros problèmes de santé. Parce que tu étais infirmière. Okay. Ouais. Parce que je voulais trop changer, déjà. Est-ce que c'est à cause qu'elle était infirmière ou elle prenait son rôle au sérieux? C'est l'affaire mais... sérieusement, ça se prend au sérieux, c'est ce petit moment. Il y a pas mal d'émotions là-dedans. Tant tu as des injections, tu fais des injections, mais tu ne commences pas à communiquer avec le patient pour essayer d'y faire voir des choses comme Daniel pourrait faire. Mais est-ce qu'on a... Pour le modifier, tu vas faire juste la médication. Moi, je vois ça un peu comme ça. Ma question, c'était juste le fait qu'une personne était infirmière dans un hôpital, même si elle est objective, juste le fait qu'elle a ce rôle-là, ça a un impact sur son corps, sur sa santé, parce qu'elle doit confronter les entités, tu m'as dit, qui circulent autour, automatiquement, ou... Oui, automatiquement, c'est ça. Oui, okay. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut-tu le faire sérieusement, sans te prendre au sérieux, ça fait-il du sens, ça? Travailler professionnellement, sans dramatiser, la game est toute là-dedans. Ah, c'est ça. C'est comme les gens qui travaillent dans, mettons, les bars, les bonnes soeurs, où les policiers sont confrontés, mettons, à toutes sortes de types de personnes qui doivent, mettons, saisir ou ramasser ou quoi que ce soit. Ils sont en contact avec des entités, mettons, tu sais, quand tu rencontres un gars de la mafia, puis qu'il a un rôle de tueur, mais là, t'es en contact avec cet aspect-là, quoi. Fait qu'un policier, c'est normal qu'il arrête de travailler à 53 ans. C'est comme un peu ça que tu me dis, pour se protéger. On peut regarder ça. Ouais. Moi, je t'aurais dit simplement, il y a une différence entre sortir un gars du club puis le tuer en sortant du club. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Les émotions, c'est pas bon. Mm-hmm. Pas bon. Pas bon. On pilonne le peuple avec des émotions. Ouais. On le contrôle avec des émotions. On l'affaiblit avec des émotions. Ouais. Pour un

Si vous aimez changer les mots, changez les mots comme vous voulez. Faites ce que vous sentez.